Sans s'occuper de son frère, le vieillard revint dans son cabinet, prit une clé cachée dans un secrétaire et ouvrit une cassette en malachite plaquée sur acier, présent de l'empereur Alexandre. Par ordre de l'empereur Napoléon, il était venu rendre à l'empereur russe des effets particuliers pris à la bataille de Dresde, et contre lesquels Napoléon espérait obtenir Vandamme. Le tsar récompensa magnifiquement le général Hulot en lui donnant cette cassette, et lui dit qu'il espérait pouvoir un jour avoir la même courtoisie pour l'empereur des Français, mais il garda Vandamme. Les armes impériales de Russie étaient en or sur le couvercle de cette boîte garnie tout en or. Le maréchal compta les billets de banque et l'or qui s'y trouvait. Il possédait 152 000 francs. Il laissa échapper un mouvement de satisfaction. En ce moment, Madame Hulot entra dans un état à attendrir des juges politiques. Elle se jeta sur Hector, en regardant la boîte de pistolets et le maréchal, alternativement, d'un air fou. « Qu'avez-vous contre votre frère? Que vous a fait mon mari ? » dit-elle d'une voix si vibrante que le maréchal l'entendit.